écrit en italien, écrit en javanais. Je marche en londonien, des marches en hollandais. Je pleure en espagnol, je souris en chinois. Je chaloupe en créole, m'écroule en berlinois. Je soupire en flamand, me signe en polonais. Et je compte en allemand comme un vrai japonais. Je prie en tibétain, m'indigne en iroquois. Je chasse en canadien, résiste en québécois. À en croire les sondages, qui je suis, j'en sais rien. Un graphique, une image, profil américain. Je bronze en esquimau, ce n'est pas encore assez. Je les entends dans mon dos crier toute la journée. Morir.